السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ومسي الله سبحانه وتعالى d'être parmi vous encore une fois afin de continuer la série de cours sur l'explication du Coran de la partie de Juz'amma. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes toujours dans l'explication de Sourate Al-Haqqa. Et quel grand bienfait de pouvoir étudier à travers la radio le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de le comprendre, afin de le méditer, et le plus important afin de le pratiquer. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir se rappeler nous-mêmes avant tout et de pouvoir faire profiter nos frères et sœurs à travers la radio. Car nous sommes aujourd'hui dans un temps où il y a beaucoup de troubles et beaucoup de mal. Jusqu'au point où l'appel Allah subhanahu wa ta'ala devient difficile dans les mosquées, notamment en France. Donc alhamdulillah, pour ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui nous écoutent, c'est un grand bienfait. Donc profitez inshallah ta'ala. Qu'Allah nous mette la bénédiction dans les cours de nos frères prédicateurs. Donc on continue, inshallah ou ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions expliqué dans le cours précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mentionné ce qu'allait arriver pour les mécréants ou les croyants d'abord et les mécréants après l'arrivée de l'heure, et que les croyants seront parmi les heureux et qu'ils auront le bonheur éternel, les jardins de délices, tandis que les mécréants et les hypocrites, les associateurs, auront le châtiment, le malheur éternel, l'ignominie. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue ensuite dans le verset, nous sommes au verset 38. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il met en évidence ici la réalité de sa parole, c'est-à-dire le Coran. Elle est certes une vérité et une véracité. Et ce n'est pas une parole imaginaire, mais c'est seulement une parole de vérité. Et tout ce qui est mentionné dans le Coran, dans cette sourate ou autre sourate, est une parole de vérité. Et il n'y a pas de place, il n'y a pas de possibilité de la démentir et de mettre le doute dans sa véracité. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa parole est vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Dans la traduction approximative, mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ Mais non, je jure par ce que vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par qui il veut parmi ses créatures. Tandis que le musulman et la musulmane, il lui est interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu auparavant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure ici pour montrer l'intérêt et le surcroît de certitude dans ce qu'il dit. Il jure par ses créatures dans ce que vous observez, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent sa perfection dans ses noms et attributs. Ce que vous voyez, il jure par ce que vous observez, comme la terre, les cieux, le soleil, la lune, la mer, la terre, les végétations, et ainsi de suite. Tout cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous voyez, que vous observez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure aussi par ce que vous ne voyez pas, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de l'invisible, que seul Allah subhanahu wa ta'ala en a le savoir. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Par ce que vous ne voyez pas. Certes, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa révélation. Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu sur son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a choisi pour transmettre le message. Et ce pourquoi Allah jure, quand il dit « فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ » C'est pour montrer la véracité du Coran. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la parole de Jibril alayhi salam. Mais c'est seulement la parole du Seigneur de l'univers qui ensuite l'a transmis à Jibril alayhi salam. Et qui l'a ensuite transmis au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite, dans le verset 40, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Que ceci est la parole d'un noble messager. C'est-à-dire le Coran. إِنَّهُ ici, le hu ici revient au Coran. C'est-à-dire le Coran est la parole d'un noble messager. Qui est le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole ici, dans le verset, elle est attribuée au messager. Mais à titre de transmission, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Dans la traduction ici, quand il dit que ceci est la parole d'un noble messager, pour bien comprendre ici, c'est attribué mais à titre de transmission. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la parole d'Allah. Et la parole, comme vous le savez, elle est attribuée à celui qui a commencé à le dire. Et non pas celui qui l'a transmis. Et c'est pour cela que des fois, dans le Coran, la parole est attribuée au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et des fois à Jibril alayhi wa sallam. Mais ici, pour bien comprendre, la qawlu rasoulin karim, la parole, c'est-à-dire le Coran, d'un noble messager, qui a été transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole d'un poète, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. Car certaines personnes disent que le Coran est la parole des devins, des sorciers, des devins. Ils disent que ce sont les diables qui sont descendus avec le Coran. Ils disent que ce sont les diables qui sont descendus avec le Coran, que c'est une révélation des diables qui l'a transmis ensuite aux devins. Mais comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, versets 210 à 212, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, c'est-à-dire le Coran. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient pu le faire, car ils sont écartés de toute écoute. Car ils sont écartés de toute écoute. Les diables sont écartés de toute écoute, c'est-à-dire de la révélation, comme on l'avait vu auparavant dans les versets. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a nié dans ce verset que sa parole est la parole des devins. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Mais vous vous rappelez bien peu, car ce qui les a portés à dire que c'est la parole d'un devin est sans aucun doute la mécréance et le refus de se rappeler. Car s'ils avaient cru et s'étaient rappelés ce qui leur a été utile et préjudiciable, par exemple, s'ils avaient observé l'état, la situation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient contemplé ses attributs, son comportement, son bon caractère, ils auraient certes vu une chose, une affaire aussi claire que le soleil, qui leur prouve qu'il est certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam véridique, et que ce qu'il a apporté est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et ceci est la vérité. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, contrairement aux devins, qui est une révélation des diables. Et cela ne convient pas à que ce soit une parole d'un homme, mais bien au contraire, c'est une parole qui prouve la grandeur de celui qui l'a dit, qui prouve la grandeur de ses attributs et la parfaite éducation de ses serviteurs et de son élévation au-dessus de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, le Seigneur de l'Unida. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la preuve de cela, l'argument et la preuve de cela, que certes le Coran n'est pas la parole du messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 44, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ. Et s'il avait forgé, c'est-à-dire le prophète comme on va le voir, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué, c'est-à-dire qu'il avait attribué à Allah. C'est-à-dire, si le messager avait dit, comme vous prétendez, des paroles inventées, ou qu'il avait rajouté ou diminué de lui-même quelque chose dans le message, et qu'il l'avait attribué à Allah, ce qui n'est pas le cas, hachahu, hachahu, hachahu wa kalla, nous l'aurions précipité au châtiment. C'est pour cela qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, la akhazna minhu bil yamin. Nous l'aurions saisi de la main droite, c'est-à-dire nous l'aurions anéanti précipitamment pour montrer l'intensité de la punition. Nous l'aurons châtié précipitamment. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit thumma laqata'na minhu al-watin. Ensuite, nous lui aurions tranché l'orte. Ou la horte. Nous lui aurions tranché la horte, c'est-à-dire la veine, ce qu'on appelle là al-watin en langue arabe, c'est-à-dire la veine qui est liée au cœur, qui est attachée au cœur, l'artère, que si elle est coupée, la personne meurt sur le champ. Donc si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient menti sur Allah, avaient forgé quelques paroles. Hasha wa kalla. Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait châtié précipitamment. Il l'aurait saisi de la saisie d'un puissant omnipotent. Car Allah subhanahu wa ta'ala est sage et capable de toutes choses. Et cela aurait été une leçon pour ceux qui méditent, comme il a châtié et anéanti auparavant ceux qui ont prétendu la prophétie. Ceux qui ont prétendu être prophètes et messagers, comme par exemple Musaylima, le menteur, Musaylima al-Kadhdhab, le menteur, et d'autres qui ont prétendu être messagers, alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers. Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Et leurs paroles ont disparu, ainsi que leurs rappels. Tandis que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il perdurera jusqu'à l'arrivée de l'heure, jusqu'au jour du jugement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a continué à transmettre le message depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant que dernier des prophètes et messagers, jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah l'observait et le voyait, et le soutenait et l'a préservé de ses ennemis, et lui a donné la victoire et le secours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu le saisir et le châtier, ni lui, ni personne d'entre vous n'aurait pu le sauver. Que ce soit de ses proches ou de ceux qui l'entourent. Même la personne la plus forte, personne n'aurait pu empêcher le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il fait l'éloge sur le Coran. Il dit, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. C'est en vérité un rappel pour les pieux. C'est-à-dire, وَإِنَّهُ ici, c'est toujours le hu ici, il revient au Coran. C'est-à-dire, le noble Coran est un rappel pour les gens qui ont des cœurs et des raisons. Il leur rappelle la vérité et réfute le faux. Le Coran leur rappelle la résurrection et le retour.